Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et comme à peu près 4 épisodes sur 10, on vous parle de réchauffement climatique! Comment ça va Sophie? Chez nous c'est un peu la tempête aujourd'hui, donc voilà... C'est de pair avec le sujet que tu as choisi finalement. Hein, en soi. Oui, je me suis dit que c'était circonstance, voilà. Réchauffement climatique donc, de quoi on va parler un petit peu plus précisément? De l'impact de ce réchauffement climatique sur la mésange charbonnière et notamment sur les petits de la mésange charbonnière. Bon, on verra ça tout à l'heure en deuxième partie. Voilà. Et toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Et moi, je vais vous parler de toucan. On va parler de réintroduction. Et on va parler de dispersion de graines, un sujet que tu avais déjà évoqué, Sophie, mais il y a une nouvelle étude qui est très cool, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais tout cela, eh bien, ce sera après notre rétro-piou-piou. Sophie, qu'est-ce que tu as découvert, toi, lors de ces 7 derniers jours dans le monde fabuleux des oiseaux? Alors, on va partir tout d'abord en Australie, avec le cacatoès noir. Est-ce que tu connais le cacatoès noir? Ah bah évidemment, le joueur de batterie, évidemment. C'est quand même incroyable celui-là. Donc le cacatoès noir, donc comme son nom l'indique, il est noir, il a une jolie huppe d'ailleurs, hein, c'est très mignon. Et il a la face rouge, du moins chez les mâles en tous les cas. Mmh. Et du coup, le cacatoès noir, malheureusement, c'est une espèce en voie de disparition, comme beaucoup hein, de nos jours. Dès qu'on a un oiseau un peu intéressant, de toute façon, on peut être sûr qu'elle est en voie de disparition. Et donc, le cacatoès noir, malheureusement, depuis les récents cyclones et surtout les feux de forêt qu'on a eu en Australie, on s'en souvient, eh ben, il trouve de moins en moins d'endroits où nicher. Parce que lui, il niche dans les vieux arbres, des arbres un peu à moitié morts, plus ou moins, où il peut trouver des cavités dans lesquelles il va faire son nid. Sauf que depuis, il y en a de moins en moins, et donc ce que les ornithologues amateurs du coin ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des nichoirs qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, donc c'est des nids artificiels en quelque sorte, même si c'est fait d'ailleurs de vieux rondins de bois qu'ils ont eux-mêmes évidés, mais enfin ça s'appelle quand même des nids artificiels. Et du coup, on a eu cette année la première reproduction avérée de cacatoès noir dans un nid artificiel qui avait été installé donc, dans un arbre. Ce qui est quand même vachement incroyable. Bien. Ce qui, du coup, augure, c'est plutôt de bon augure, on va dire, pour la survie de l'espèce, parce que si jamais ils se mettent à utiliser effectivement des nichoirs artificiels, ça veut dire qu'on peut supplémenter la population en zone de nidification, et ça, c'est pas rien. Donc voilà, bravo. Super. Est-ce que, depuis quand ils ont mis en place ces nichoirs? Alors je crois que ça fait seulement un an, parce que la reproduction donc a eu lieu, ou un peu plus, la reproduction a eu lieu en 2025 il me semble. Pas mal. Alors Sophie, moi je vais aller dans la section faits divers, et aujourd'hui on va parler d'un cas particulier, puisqu'on va parler de photographes. Oh. Et oui, en juin 2025, c'est la LPO Bourgogne-Franche-Comté qui avait porté plainte contre un photographe animalier auprès de l'Office français de la biodiversité pour mise en danger de la vie animale. En l'occurrence, ici, de rapaces, et plus précisément de rapaces nocturnes. Je vais expliquer pourquoi d'ici quelques instants. Eh bien, fin février dernier, la personne a écopé de 100 euros d'amende. Et surtout, la LPO a cessé toute communication avec le contrevenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la personne a utilisé ce qu'on appelle la repasse. Donc, on utilise le cri d'un oiseau pour justement éveiller quelque part sa curiosité. Sauf que chez les rapaces nocturnes, et ici en l'occurrence la chevêche d'Athéna, eh bien, ça peut être très problématique parce que eh bien, ça peut déclencher un comportement de surexcitation et un oiseau peut même aller jusqu'à tuer. Ça ou son partenaire potentiel, et donc eh bien cela peut être extrêmement problématique pour l'espèce. Donc on parle pas assez souvent peut-être, Sophie, de photographie dans le Courrier de la Sterne, mais il y a quand même des règles à respecter lorsque on photographie des oiseaux, bien sûr, mais c'est bien de le rappeler hein, parce que comme d'habitude c'est toujours bien, les safaris photos c'est quand même fantastique, hein, on est d'accord, et c'est vachement mieux que de tirer sur des oiseaux pour les empailler après, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a toujours, comme tu dis, des règles à respecter, et bon voilà, pensez un peu à la vie sauvage. Alors, moi de mon côté, on va partir sur un très vieil oiseau, très très vieux, parce qu'on va partir du côté de l'encornis. Alors vous allez me dire, l'encornis, c'est pas exactement un oiseau. C'est vrai, c'est un cousin, en quelque sorte. Et on va parler des fossiles de l'encornis qui, comme vous le savez, sont extrêmement bien conservés, parce qu'on parle de la Chine, là, donc les fameux fossiles où on voit les détails des plumes, hein, c'est superbe. Et sur ces fossiles de l'encornis, dernièrement, il y a des gens qui se sont amusés à analyser le pattern de mue de ces oiseaux-là, enfin de ces presque oiseaux, parce qu'en fait, il se trouve que, vu qu'on peut voir toutes les plumes sur ces oiseaux-là, et ben on peut aussi voir les plumes qui n'ont pas encore fini de pousser, ou qui sont en mue, qui sont tombées okay. entre deux, et donc on voit les trous dans les ailes, par exemple. Et alors, c'est là qu'est un peu fantastique, parce qu'ils se sont dit, tiens, et si on comparait ça à nos oiseaux actuels, aux oiseaux qui volent, effectivement, pour voir si bah, l'encornis, s'il avait possibilité de voler ou pas. Parce que vous n'êtes pas donc, sans savoir. Donc on est à peu près à quelle époque, encornis? Alors, encornis, on est à peu près à 160 millions d'années, en gros. Mmh. Voilà. Jurassique supérieur, en gros. Ça vous donne une idée. Et donc, sur cet animal-là, on a des ailes qui sont à plumes, hein, complètement. Et on a aussi des plumes sur les pattes arrière. D'ailleurs, c'est assez marrant. Et on a une longue queue, qui fait un peu queue reptilienne, avec bah, des plumes tout du long. Alors, c'est pas du tout une queue comme celle des oiseaux actuels, avec juste un croupion, en quelque sorte, et juste des plumes attachées dessus, pas du tout. On est sur une queue reptilienne avec des plumes qui sont attachées sur des vertèbres tout du long. Voilà. Donc c'est un peu différent. Du coup, la question, c'était est-ce qu'il vole ou pas? Alors, on avait plus ou moins conclu que c'était pas exactement le cas, mais bon, comme on n'a pas forcément de preuves vraiment nettes, c'est toujours bien de les accumuler. Alors là, en l'occurrence, si vous avez un peu l'habitude des oiseaux, vous savez que notamment les oiseaux qui volent, hein, on parle pas des autruches par exemple, mais les oiseaux qui volent, eux, ont un pattern de mue qui est très spécifique, parce qu'ils ne peuvent pas perdre toutes leurs plumes de vol en même temps, tout simplement, parce que sinon ils peuvent plus voler. Et donc quand un oiseau ne vole plus, bah, c'est un gros risque pour lui quand même. Donc le but, c'est de muer petit à petit, donc une plume après l'autre en règle générale, et ça se fait toujours dans une certaine séquence, c'est-à-dire que c'est très très répétitif, et vous avez les deux ailes qui vont muer de la même manière des deux côtés. Mmh. C'est pas au petit bonheur la chance, c'est pas tiens, cette plume va tomber d'un coup, et puis là va y en avoir trois autres qui vont tomber en même temps, etc. C'est pas possible. Il faut toujours que ce soit une par une et chacune l'une après l'autre, donc au fur et à mesure, pour être bien sûr d'avoir toujours une portance suffisante sur les deux ailes. Et donc là, chez encornis, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas du tout le cas. La mue chez encornis, c'est un truc complètement désordonné. Peut y avoir trois plumes qui tombent d'un côté, voilà, deux de l'autre, quatre qui sont en train de repousser ensemble à un autre endroit, donc tu te dis qu'elles ont dû tomber plus ou moins en même temps. Donc en fait, tu te rends compte que à cause de ce pattern de mue qui est très désordonné, bah que ça devait certainement pas être un animal qui volait, en fait. Parce que il aurait pas pu voler. On a le cas des calaos actuellement qui, notamment chez la femelle, mue tout d'un coup, en un mois ou deux, elles perdent toutes leurs plumes d'un coup, et là, ça repousse en même temps. Donc là, il y a tout qui tombe en même temps, mais c'est un truc très particulier, parce qu'elles ne volent pas pendant un mois. Un mois ou deux. Oui, pour, et puis elle est enfermée dans un tronc d'arbre, voilà. Pour la nidification et le nourrissage des petits. Exactement. C'est un peu particulier, effectivement, comme cas. C'est plus ou moins l'un des seuls cas où on va vraiment avoir une mue qui va se faire tout à fait en même temps, sur toutes les plumes de vol. Mais sur un oiseau qui vole, normalement, vous n'avez pas ce genre de choses. Ce n'est pas possible, parce qu'il faut que l'animal puisse s'enfuir au besoin, en volant. Et donc, chez encornis, on se rend compte qu'en fait, bah, il devait certainement pas s'enfuir en volant, parce que sinon, il n'aurait pas survécu. Incroyable. Tout simplement. Incroyable. Voilà. Eh bien, justement, Sophie, on va parler de survivre pour la fin de cet épisode. Je suis très dans ma période cinéma, Sophie. J'ai enfin vu Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Voilà. J'ai enfin vu Les Oiseaux. Et c'était très drôle à regarder, je trouve. Parce que les oiseaux ont un bruit, le cri des oiseaux, c'est le bruit d'une cassette qui est rembobinée, je sais pas si tu te rappelles, ce qui fait que c'est très très particulier à entendre, donc t'entends des mouettes qui font des bruits de rembobinage, c'est vraiment, vraiment très très drôle. Non, puis il y a pas mal d'incohérences dans ce film qui me sont un peu sautés aux yeux, d'une certaine manière. Mais il y a un commentaire que j'ai trouvé assez intéressant dans le film en question. Il y a un moment donné, il y a un ornithologue qui intervient pour un peu poser le contexte. Donc c'est vers là, on va dire, début de la deuxième partie du film, finalement, mm-hmm. là où il y a l'attaque dans la ville, pour ceux qui se rappellent, avec la station-service qui explose. Il y a un truc qui dit, donc le film est réalisé, je crois, en 1961, si je dis pas de bêtises. Et dans le film, il est évoqué qu'il existe 8650 espèces d'oiseaux existantes. Je vous rappelle qu'on est un peu plus de 11 000 aujourd'hui. Mm-hmm. Donc ça vous donne quand même le nombre incroyable d'espèces que l'on a découvert malgré tout sur ces 60 dernières années. Donc voilà, c'était un film assez sympa à voir pour la postérité. Mais j'en garderai pas un grand souvenir ornithologique, pour être honnête. Ah bon. Mais voilà, c'était sympathique. Ça faisait longtemps que tu l'as vu il y a longtemps, Sophie ? Ah oui, ça fait un moment, oui. Puis en plus, il est pas jeune le film de toute façon, mais non. Moi non plus. Non, mais bon. Mais voilà, c'est un classique. Apparemment, il y a encore des... Alors, apparemment, j'ai appris, et je salue des copains d'un Discord, qu'il existe. Je le connaissais de nom, mais apparemment, il faut que je le voie. C'est un film absolument horrible qui s'appelle Birdemic. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ce sujet. Mmh. Et apparemment, c'est un film absolument horrible. Pareil, c'est un espèce de pastiche des oiseaux d'Alfred Hitchcock. Mais c'est absolument terrifiant. Ça s'appelle Birdemic Shock and Terror. Voilà. Rien que le titre envoie du rêve. J'ai très envie de voir ce film. Voilà, j'ai oui, très ça envie, ça de voir ce film avec de magnifiques PNG de vautours et d'aigles sur les images. Ça vend du rêve, vraiment. Wow. Ça me vend du rêve. Ah, je vois les images bien détourées là. Ça donne, dans mon esprit, ça donne envie là déjà. Bref, voilà un petit peu pour la parenthèse cinéma. Voilà, elle va pas être récurrente non plus, hein, rassurez-vous, mais il fallait que je voie les oiseaux avant la fin de sa disponibilité sur Arte. Voilà qui est fait, je peux désormais, peut-être pas mourir tranquille, mais au moins apaisé vis-à-vis de ce film. Bon, bah très bien. Voilà. Sophie, je te propose de partir dans cette toute première partie de l'émission au Brésil. On va parler du toucan Ariel. C'est tout de suite. Le toucan Ariel, Sophie. On a déjà parlé de toucan dans l'émission. Le toucan Ariel, c'est celui qui chante la petite sirène ou bien... Non ? Ah ! Je sais plus. Alors, il a apparemment changé de nom parce qu'il s'appelle le toucan Vitellin. Alors, je ne sais pas si c'est son nouveau nom ou si c'est le nom, en fait, de la sous-espèce qui est devenue une espèce par la suite. J'ai pas pu vérifier cette information pour la simple et bonne raison que je n'ai plus d'abonnement à Birds of the World. donc voilà, il faut que je le renouvelle, mais je ne l'ai pas fait dans les temps, et donc du coup, ben, je n'ai pas pu avoir cette information. Oups. Donc, deux... non, grosso modo, pour cet oiseau, toucan Ariel ou toucan Vitellin, on va faire en sorte de considérer que c'est exactement la même espèce. Alors, c'est quoi le toucan Ariel ? Bah, c'est un oiseau qui ressemble à un toucan, bien sûr, avec évidemment un bec très caractéristique, qui n'est pas orange, contrairement au toucan Toco, qui est le plus connu des toucans, mais tout noir, avec une base qui est d'un bleu magnifique. Je ne saurais pas comment décrire ce bleu, mais c'est un bleu très clair, tirant un peu sur du blanc. C'est vraiment un très très joli bleu. D'ailleurs, ce bleu est aussi présent autour de l'œil. Et puis, on a aussi un poitrail qui est orangé, tirant vers le rouge. Sinon, le plumage est tout noir, à l'exception du croupion, qui, lui, possède quelques petites variations de rouge. Voilà donc pour le toucan Ariel. C'est un oiseau qui est très très présent dans la partie nord de l'Amérique du Sud. On va le trouver du Venezuela au Brésil, quasiment jusqu'au sud du Brésil. C'est un oiseau, en revanche, qu'on ne trouve pas, par exemple, en Uruguay, en Argentine, donc vraiment cantonné au nord du Brésil. Et c'est un oiseau qui a été réintroduit en 1970 dans le parc de Tijuca. On est à Rio de Janeiro, on est dans la plus grande forêt urbaine au monde. Alors là, le parc de Tijuca, ça vous dit absolument rien, bien sûr. Et si je vous parle en revanche du Christ Rédempteur, bah, ça vous dit beaucoup plus quelque chose, puisque c'est effectivement là que se situe eh bien, cette statue, pour ne citer que le monument que l'on connaît le mieux. Donc c'est le primatologue Adelmar Coimbra Filho qui a relâché 46 individus donc, en 1970. Hein, l'oiseau avait disparu de cet environnement. Et l'objectif, bah, c'était de restaurer évidemment la faune de la forêt. La faune, mais aussi la flore, parce qu'on en a parlé, Sophie. Le toucan est un disperseur de graines très efficace, même s'il est, dans mes souvenirs, un peu feignant. Si je me rappelle bien ce que tu avais dit à son égard, et c'est pour ça que j'ai essayé de, je vais essayer de le réhabiliter quelque part ce soir. Oh, tout de suite. Genre, j'ai été médisante. Non, mais voyons. Non, mais je pense que personne ne croit à ça, voyons. Après, si le toucan est effectivement feignant, voilà, il mérite, d'une certaine manière. En même temps, s'il y avait eu, si les toucans s'étaient effectivement plaints de la chose, je pense qu'on l'aurait senti dans les commentaires, non On ne sait pas. Ça se trouve, on a été insultés par des toucans. Bref, tout ça pour dire que des chercheurs ont étudié cette population donc de toucans qui avaient été relâchés. Et ils sont partis d'une feuille blanche parce que personne n'avait réalisé d'observations, d'études sur cette population de toucans Ariel. Très généralement, Sophie, on a des articles sur lesquels on dit « bah tiens, ils ont pris une population, ils l'ont relâchée, et puis ils ont suivi la population pendant 30, 40, 50 ans ». Et bah ici, c'est pas le cas, donc Flavia Zaguri et son équipe sont partis d'une feuille blanche pour essayer de comprendre un petit peu comment le toucan avait justement eh bien, récupéré son rôle de disperseur de graines efficace. Et là, Sophie, ils ont mis en place, ces chercheurs, une philosophie qui s'appelle le crédit d'interaction. Okay. Alors, grosso modo, c'est le nombre d'interactions pouvant être restaurées après la réintroduction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crédit d'interaction. Et le crédit d'interaction, il est en réalité le produit du contraste entre les interactions attendues, basées sur une revue de la littérature, et je vais y revenir d'ici quelques instants, et les interactions observées sur le terrain. Et donc, du coup, eh ben, les chercheurs sont allés sur le terrain pour voir un petit peu comment les oiseaux s'occupaient justement de disperser les graines, quelles graines ils dispersaient et quelle efficacité ils avaient. Donc, tout d'abord, les chercheurs ont répertorié chaque espèce végétale et ils l'ont comparé à une liste de 101 espèces et végétales indigènes avec lesquelles l'oiseau interagissait historiquement. Je vous ai dit précédemment que l'oiseau avait disparu du parc national de Tijuca. Donc, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, les chercheurs sont allés dans les archives et ont vu eh bien, avec quelles plantes ces oiseaux-là interagissaient. Et puis, eh ben, par la suite, ils ont suivi pendant plus d'un an les oiseaux. Alors, généralement, on vous parle de suivi avec intelligence artificielle, avec des drones, avec des trucs. Là, ils ont juste fait de la marche. 20 km par jour à travers la forêt. Et ils ont observé les habitudes alimentaires de l'oiseau en prenant effectivement des notes. Première note intéressante. Les oiseaux interagissaient avec 76% des plantes qui figuraient historiquement à leur menu. Donc soit ce sont des nouvelles plantes, soit ce sont des plantes qui ont disparu, qui ne figurent plus justement dans cette liste, d'où le 76% et non pas le 100%. Mais les chercheurs sont allés encore plus loin, puisque ils ont essayé de voir quelle était l'efficacité de l'oiseau en fonction de la taille des graines. On avait dit, Sophie, d'ailleurs, dans l'étude où justement tu disais que le toucan était fainéant, le toucan était davantage un disperseur de moyennes et de grosses graines. Oui. Et donc, bah, quelque part, on s'attendrait à vérifier cette information ici. Eh bien, information vérifiée, puisque les petites graines de petite taille, donc de 6 mm d'épaisseur, sont dispersés à 63%. Tailles moyennes, donc supérieures à 6 mm jusqu'à 12 mm, de 88%, et les plus grandes de 89%. Et on a observé ces toucans se nourrissant de fruits et de graines, de plantes que d'autres animaux ne parviennent pas à ouvrir. Ça, c'est aussi un truc qu'on avait dit dans cette fameuse étude où on disait que les toucans étaient des feignants en puissance et que, justement, eh bien, ces oiseaux avaient des particularités, s'occupaient de graines particulières. Donc là, dans l'étude, ils citent le palmier Jussara et le Biquiba, qui sont deux espèces d'arbres indigènes classés au niveau national comme menacés et qui ont perdu d'ailleurs une grande partie de leur aire de répartition. Et puis, dernière chose à dire, les chercheurs se sont posé la question de savoir eh bien, s'il y avait un chevauchement alimentaire ou un chevauchement des dispersions de ces graines. Et donc, ils ont notamment étudié deux espèces de mammifères, l'agoutis à croupe rousse, qui est un énorme rongeur, et le singe hurleur brun, qui est, comme son nom l'indique, un singe, bien sûr. Et ils ont constaté qu'il n'y avait pas spécialement de chevauchement alimentaire, ce qui signifie que le toucan, il a une place extrêmement importante dans le parc, et que s'il n'y a pas le toucan, il n'y a pas dispersion de certaines graines. S'il n'y a pas dispersion de certaines graines, il n'y a plus de pousses d'arbres, ou du moins de certaines espèces d'arbres, ou de plantes d'ailleurs. Et s'il n'y a pas ces pousses-là, on met en péril l'écosystème. Donc voilà un petit peu pour cette étude. Il y a encore beaucoup de choses à décrire. Les chercheurs veulent notamment savoir comment les toucans contribuent à la dispersion des différentes espèces végétales, comment ils contribuent au reboisement. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière logique au niveau géographique, par exemple? Est-ce que les toucans sont réunis dans une certaine zone pour pouvoir disperser les graines de manière efficace, ou au contraire, est-ce que la dispersion se fait de manière un petit peu plus étendue et aléatoire? Ça, c'est des choses que l'équipe de Zaghouri, Flavia Zaghouri, veulent justement percer pour le futur. Écoute, c'est super intéressant. Du coup, ça fait suite à l'étude que j'avais réussi à lire sur les toucans il y a déjà un moment. Je ne sais plus dans quel épisode c'était d'ailleurs. Oh, alors là, je ne sais plus. Puis je crois pas que toucan était nommé. Enfin, l'épisode s'appelait pas Toucan fainéant ou un truc comme ça. Ça aurait pu, mais je pense que non. Ouais. Mais oui, effectivement, ça rejoint complètement ce qui a été fait. Donc voilà. Oui, mais maintenant, il n'y a plus qu'à voir un petit peu comment. Et surtout, ça montre l'importance de la réintroduction des espèces, et ça montre surtout que la réintroduction de ces espèces n'a pas d'irréversibilité quelque part. C'est pas parce qu'on a, la réintroduction de certaines espèces permet justement de retrouver un espèce de statu quo qu'on n'avait pas connu depuis les années 70. Depuis la réintroduction de l'oiseau dans les années 70. Mais exactement. Donc c'est un sacré espoir quand même pour tous ces écosystèmes qui ont perdu justement des membres importants de leur réseau. C'est une très bonne étude, merci. C'est agréable de voir quelque chose de positif pour une fois. Ça fait plaisir. Mais positif comme les éclairs qui sont en train de tomber dans... chez mon côté, oui. Voilà, on est sur un potentiel positif et négatif. Il y a des choses qui, au niveau électricité, qui se passent. Là, je t'avoue que je ne saurais pas trop comment le décrire, mais c'est... Bon, j'espère que ça ne s'entend pas trop à l'enregistrement, surtout. tu voulais rajouter quelque chose, Sophie, avant que je fasse ma métaphore météorologique Oui, je voulais savoir s'ils avaient considéré peut-être la réintroduction d'une autre espèce de toucan pour avoir le même effet ou pas du tout? Non, et c'est là qui est pour moi peut-être une des limites de l'étude, non pas forcément au niveau du toucan, mais au niveau de savoir quelle espèce de toucan c'est. On sait que c'est du toucan ariel, mais j'ai dit qu'il y avait deux sous-espèces, une espèce principale et une sous-espèce. Et le problème, c'est que la sous-espèce et l'espèce principale se côtoient. Et donc, j'aurais aimé savoir justement quelles étaient les relations entre les deux espèces, ou en tout cas l'espèce et la sous-espèce, parce que peut-être que ça aurait donné un résultat un petit peu plus nuancé. Après, je pense que c'était peut-être très difficile de le mettre en place lorsqu'on est sur le terrain. Ah oui, c'est vrai que ça aurait été bien de pousser un petit peu. Peut-être que dans la suite de l'étude, ils ont prévu de pousser un peu le détail ou ils s'arrêtent là? Bah, comme je te l'ai dit, leur objectif, c'est de savoir si la répartition géographique de la dispersion des graines se fait de manière, on va dire, plus ou moins concentrique ou de manière aléatoire. C'est-à-dire que si les toucans se déplacent dans une zone plutôt restreinte ou si au contraire les toucans se déplacent dans une zone plutôt, comment dire, escarpée en fonction des différents individus. Donc là, ça demanderait quelque chose de beaucoup plus poussé au niveau individuel. Et puis, il y a aussi la dispersion des espèces végétales et comment les oiseaux construisent le reboisement, combien de temps ça a pris finalement de reboiser et de permettre à certaines espèces végétales de retrouver une partie de leur population finalement dans ce parc national. Mais le gros souci étant qu'ils n'ont quasiment, voire pas du tout, de base de données sur laquelle s'appuyer, puisque j'ai dit que la première et pour l'instant seule étude qui a été réalisée sur cette population, elle l'a été dans le cadre de cette étude sortie en février dernier. Donc, Oui, c'est vrai. je ne sais pas trop comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont partir de la recherche qu'ils ont fait de cette étude pour ensuite établir un plan à court ou moyen terme de 2, de 5, voire de 10 ans et voir un peu comment évolue justement la dispersion des graines? Je sais pas du tout. J'avoue que je suis très curieux de savoir comment ils vont s'approprier le sujet. Non, mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est une étude très intéressante et surtout très optimiste parce que ça fait plaisir. Voilà, on se dit que restaurer les environnements naturels, quand on trouve les bonnes espèces, du moins les espèces adaptées à l'endroit ou au réseau trophique dans lequel on a l'intention de les mettre, ben finalement c'est possible et ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir, effectivement. Sophie, un truc qui va moins faire plaisir, hein, parce qu'on va parler de réchauffement climatique, mais peut-être qu'on va en parler en bien, qui sait, hein? Qui sait? Eh ben, c'est dans la deuxième partie. Alors, bah écoutez, moi je vous ramène en Europe, hein, parce que voilà, partir à l'étranger c'est bien, mais écoutez, l'Europe, c'est pas si mal. Voilà. C'est moins exotique, c'est vrai. Mais bon, il y a aussi des choses bien qui s'y passent, donc comme Ah, cette étude. il fait beau actuellement, par Il exemple, fait chez beau? nous. Bah, je sais pas, Ouais, il parce fait que beau. là on va partir quand même au Royaume-Uni. Alors au Royaume-Uni, généralement c'est un poil plus compliqué, surtout à cette période de l'année. Je considère pas 10 degrés dehors comme étant un beau temps, même s'il fait beau. Attention, on va perdre des auditeurs bretons, ça se trouve. Mais bon. J'ai habité en Bretagne pendant un temps, hein, je sais ce que c'est. Moi, j'ai le droit, j'ai habité là-bas. Voilà. Voilà, exactement, Je pendant peux m'en 3 ans, moquer. monsieur, si, si. Voilà, donc bon, hein. En tout cas, donc on va partir du côté alors du Royaume-Uni, et là c'est l'université d'Oxford qui nous sort un papier sur donc la mésange charbonnière. Alors je vais vous demander de faire une petite expérience de pensée aujourd'hui. Vous allez imaginer, alors toi aussi Florian, tu peux y aller. Imaginez que vous êtes dans un nid de mésange charbonnière, vous êtes une petite mésange charbonnière dans le nid. Et votre but, bah, c'est d'aller jusqu'à l'âge adulte, de survivre, de grandir et d'arriver à se développer jusqu'à l'envol du nid. Alors, comment ça se passe quand vous êtes un bébé mésange charbonnière et que vous êtes dans le nid? Vous avez besoin de plusieurs trucs. Déjà, la première chose, vous allez avoir besoin de nourriture. Donc, les mésanges, principalement, ça mange des chenilles. Bon, si vous aimez pas les insectes, c'est pas mon problème. Vous allez manger de la chenille, voilà. Et puis derrière, vous allez avoir surtout besoin de chaleur corporelle. Et en chaleur corporelle, je parle évidemment du fait que vous n'avez qu'un minuscule duvet au tout début de votre développement, et qui va petit à petit d'ailleurs devenir un peu plus épais, et puis ensuite se couvrir de plumes évidemment. Mais au début, il n'y a pas grand-chose. Et donc en termes de chaleur corporelle, il va falloir la chaleur corporelle notamment des parents, et aussi des frères et sœurs qui seront autour de vous. Mais même avec les parents et les frères et sœurs, s'il ne fait pas suffisamment beau et si le temps n'est pas suffisamment clément, ça va être compliqué. Parce que vous allez geler, littéralement. Surtout que les parents ne vont pas rester H24 sur le nid, parce qu'il va bien falloir qu'ils fassent des allers-retours pour aller chercher les fameuses chenilles. Donc vous imaginez bien que la température corporelle va chuter très rapidement, surtout quand dehors il fait moins 10. Donc, Comment ça se passe pour votre survie? Eh bien, écoutez, il va falloir plusieurs conditions. Donc déjà, bonne chance, oui, c'est sûr. Déjà, des conditions météo favorables. Donc, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Il ne faut pas qu'il pleuve trop. Il ne faut pas que ce soit trop la tempête non plus, parce que la pluie, ça a deux conséquences. D'une, ça fait que les parents, ils restent au nid plus volontiers, ils vont moins chercher de nourriture, parce que il faut les comprendre, hein, moi non plus, je ne sortirai pas par un temps pareil. Voilà. Et puis en plus, c'est fatigant parce que la pluie, aussi, ça les alourdit, ça les ralentit. C'est pas facile de trouver des choses sous la pluie, des insectes et tout ça, donc c'est compliqué. Donc faut les comprendre, les pauvres. Donc ils feront moins d'allers-retours. Mais en plus et surtout, ça va faire tomber les chenilles des arbres, en fait. Parce que ça, c'est une conséquence à laquelle on pense pas souvent. Mais quand on n'a plus les chenilles sur les arbres, les oiseaux qui normalement vont les chercher sur les arbres en question, ils les trouvent plus. Et ça, c'est embêtant, parce que du coup, vous ne trouvez plus de nourriture, et donc il n'y a plus de quoi nourrir la nichée, et c'est un gros problème pour ces oiseaux-là. Donc, il vous faut des conditions climatiques qui sont clémentes, pour vous, et il vous faudra de la nourriture. Sauf que cette nourriture se développe aussi uniquement dans des conditions climatiques qui sont à peu près clémentes, c'est-à-dire pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Tout ça, mis ensemble, ça fait que, en tant que jeune pioupiou, il va falloir que vous vous développiez à une période bien spécifique de l'année qui va être en l'occurrence le printemps. C'est pour ça que les oiseaux qui vivent dans des milieux tempérés ont généralement des reproductions au printemps qui vont s'accorder avec le développement, en l'occurrence là, des chenilles et des papillons pour ces mésanges-là. Mais pour d'autres oiseaux, ça pourrait être le développement d'autres insectes ou tout simplement d'un certain type de nourriture qui va leur permettre de survivre et de nourrir leur nichée, sachant que la plupart des oiseaux, même lorsqu'ils sont granivores à l'âge adulte, lorsqu'ils sont petits, vont être principalement insectivores parce que c'est de la protéine et ça permet un développement rapide et surtout une croissance très rapide des petits. C'est comme ça, donc le régime alimentaire peut changer à l'âge adulte, mais généralement quand ils sont petits, ça va être plus des insectes que les parents vont ramener au nid, ou de la viande, quelle qu'elle soit, pour les plus grosses espèces d'ailleurs. Alors, cette étude dont je vous parlais aujourd'hui, maintenant que vous avez bien compris comment ça fonctionne un bébé mésange, cette étude dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une étude qui s'est étendue sur une soixantaine d'années. Alors 60 ans, c'est pas rien. Mais on le sait, les mésanges, et notamment la mésange charbonnière, c'est un organisme qui est ultra étudié, notamment en Europe, parce que c'est un peu un des organismes modèles en quelque sorte, c'est avec la mésange bleue. Oui, puis il y a la forêt de je sais plus où, en Angleterre. Où on a eu beaucoup de données. 100 ans, enfin c'est. Voilà. C'est fou. Et donc là, on est parti dans les bois de Witham. Donc près d'Oxford. Ah voilà, c'est voilà. Exactement, exactement ces bois-là. Voilà. Donc on a énormément de données sur ces oiseaux-là, et ça permet vraiment de faire beaucoup de comparaisons, beaucoup de statistiques, enfin bref, c'est assez incroyable la quantité d'informations qu'on a sur ces oiseaux. Donc on est parti sur 60 ans de recherche et sur pas moins de 80 000 mésanges étudiés dans cette étude. 80 000. Vous rendez compte de la taille du jeu de données. c'est génial. Et donc, dans ce jeu de données, les chercheurs se sont intéressés donc, aux jeunes mésanges, non seulement au stade de développement de ces jeunes mésanges, leur vitesse de développement en quelque sorte, au poids à l'envol de ces mésanges-là, donc voir à quel point elles avaient été bien nourries en quelque sorte pendant leur enfance. Ce qui va permettre de prédire après leur survie à l'âge adulte, parce que vous savez que si un oiseau quitte le nid en étant en sous-poids, en quelque sorte, malheureusement, il ne va pas forcément survivre bien longtemps, parce qu'il n'a pas les réserves qu'il faut pour attendre un peu jusqu'à ce qu'il arrive à capturer ses premières proies, et c'est en ça que ça va être compliqué pour lui. Donc, toutes ces données ont été analysées dans cette méga-étude, en quelque sorte, et on a des résultats qui sont très intéressants, parce que ça nous explique quelques changements qui sont apparus récemment au niveau de cette population de mésanges. Alors, de quels changements il s'agit? Tout simplement, il s'agit de changements dans la date à laquelle ces mésanges se reproduisent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un petit truc qui s'appelle le réchauffement climatique. On l'a toujours d'ailleurs. Oui, je crois qu'il n'est toujours pas passé. Bon. En tout cas, ce petit truc-là, il a eu des conséquences et il en a toujours des conséquences parce qu'il semblerait que ces mésanges ont décidé de commencer à se reproduire un petit peu plus tôt. Et qu'il y a une sorte de sélection qui est en train de s'effectuer sur les couples de mésanges qui se reproduisent trop tard dans la saison, donc trop tard au printemps, et au contraire une sélection plus en faveur des mésanges qui se reproduiraient plus tôt lors de la saison. Alors comment ça se passe? Les petits des mésanges qui se reproduisent plus tôt ont un poids à l'envol qui est supérieur à celui des mésanges qui se reproduisent plus tard dans la saison. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le changement climatique, vous avez des conditions climatiques donc qui vont être différentes. C'est-à-dire que les populations d'insectes dont les mésanges vont se nourrir, par exemple, vont commencer à émerger un poil plus tôt dans la saison, parce que eux aussi, ils sont influencés par la pousse des feuilles, par le réchauffement de l'atmosphère, qui du coup va les encourager à éclore, s'il s'agit de chenilles par exemple, et qui vont trouver leur nourriture plus rapidement grâce à la pousse des feuilles qui va peut-être se faire plus tôt dans la saison, et qui donc leur permettra de se développer plus rapidement au printemps. Ce qui veut dire que si vous voulez que la période de reproduction de ces mésanges-là soit raccord avec la période de développement des chenilles, qui sont leurs proies, il va falloir donc se reproduire un petit peu plus tôt pour les oiseaux, parce que du coup vous allez tomber pile en plein dans la période de développement de ces chenilles-là, ce qui va être pile au moment où vous en avez besoin pour nourrir les petits. Ce qui serait parfait. Et en l'occurrence, pour ces oiseaux-là, donc ça leur permet de nourrir plus facilement leurs petits, alors que s'ils les nourrissaient un petit peu plus tard, s'ils s'étaient reproduits plus tard dans la saison, et que du coup ils attendaient un petit peu, vous auriez moins de chenilles, vu qu'elles ont dépassé plus ou moins leur temps de développement, en quelque sorte, et donc vous auriez moins d'individus faciles à capturer pour nourrir la nichée, donc ça vous donnerait des petits qui seraient certainement moins gras à l'envol, parce qu'ils ont moins de ressources, tout simplement. Donc déjà, vous avez cette première conséquence. Ensuite, ce qui se passe, ça va être au niveau des températures et de la survie des petits directement à cause de ces mêmes températures. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vu qu'on a un réchauffement climatique, on a aussi un réchauffement ou des jours plus rapides, en quelque sorte. Le printemps va être là un poil plus rapidement, les fleurs vont sortir un peu plus tôt, vous allez avoir les premières pousses sur les arbres un peu plus tôt, et du coup, vous allez avoir les premières chaleurs un peu plus tôt aussi. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous vous reproduisez un petit peu plus tôt, vous allez pouvoir profiter de ces premières, ce petit réchauffement qui va arriver au début du printemps, et donc ça devrait normalement être suffisant pour que les oiseaux survivent, en tout cas les oisillons survivent, même s'ils n'ont qu'un petit duvet. En revanche, il ne faut pas non plus se reproduire trop tôt, parce que si vous commencez à faire la reproduction trop tôt, et vous allez vous tomber en plein à la fin de l'hiver, et là on a encore possibilité d'avoir des coups de froid, qui vont geler tout autour et qui vont tuer la nichée. Parce que les petits, à cet âge-là, à cette période-là, ils sont pas encore capables de réguler leur température tout seuls. Et donc, ils ont besoin des parents qui partent régulièrement chercher des insectes pour nourrir la dite nichée, ils vont pas pouvoir être là pour réguler la température de leurs petits, et les petits vont donc succomber aux périodes de froid intense, ou aux périodes de tempête qui peuvent se produire d'ailleurs avec des orages, des trucs comme ça qui vont arriver et qui vont pratiquement geler les petits sur place en quelque sorte. Mais bon, ça va être dangereux pour la nichée, donc c'est pas intéressant de se reproduire trop tôt non plus. En revanche, si vous vous reproduisez trop tard dans la saison, là par contre on arrive à l'inverse du problème, c'est-à-dire qu'on va arriver aux grosses chaleurs. Et les grosses chaleurs, ça a autant de problèmes que les coups de froid, en quelque sorte, parce que si vous arrivez à des chaleurs qui sont au-dessus de 35 degrés, le petit ne peut pas non plus réguler sa température à ce niveau-là, et il va tout simplement mourir d'un coup de chaud, voilà, comme ce qui peut nous arriver à tous d'ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que se reproduire trop tard au printemps, ou du moins au début de l'été, ça va être délétère pour pas mal d'oiseaux. Raison pour laquelle, donc, se reproduire trop tard est plus ou moins contre-sélectionné dernièrement. Voilà. Donc, à cause du réchauffement climatique, on a en fait plus ou moins un changement, et je sais pas, vous l'avez peut-être observé chez vous dans le jardin, d'ailleurs, si vous avez la chance d'en avoir un. On a une sorte de migration, un petit changement, un petit décalage qui se fait petit à petit vers le début du printemps, de plus en plus tôt, pour la reproduction des oiseaux, tout simplement parce que c'est la période qui devient la plus propice à la reproduction en termes de nourriture et en termes bah, de climat. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont arriver petit à petit. Et ne soyez pas étonnés de voir ça dans le jardin. D'ailleurs, je pense qu'on l'avait constaté il n'y a pas si longtemps en disant que ça avait commencé un peu plus tôt que prévu cette année encore. Oui, bah, on a des cerisiers en fleurs déjà, Sophie. Oui. alors que Hanami, normalement, c'est début avril au Japon. Donc, oui. Donc voilà. Alors, c'est très intéressant et ça rejoint une étude que j'avais eu l'occasion de découvrir lors du colloque francophone d'ornithologie de l'année dernière. On était chez la Mésange Bleue, qui avait exactement les mêmes conclusions. À un détail près, c'est que le réchauffement climatique était bénéfique pour les oiseaux. Évidemment, il y a une température limite. Mm-hmm. Et cette température limite, c'est plus 2 degrés. Mais justement, entre donc 0 et plus 2 degrés, on observe eh bien, un taux de survie des oisillons qui est plus important parce que justement, comme tu le dis, les températures étant beaucoup plus chaudes et aussi le fait qu'on ait beaucoup moins de périodes de froid, eh bien, on a beaucoup plus de chances, d'une certaine manière, d'avoir des individus qui parviennent à passer ces 3 semaines au nid avant de sortir et de pouvoir gambader en liberté. Oui. Donc, bah, ça rejoint finalement ce que tu dis, ce que cette étude raconte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, bah, exactement. ils le disent d'ailleurs dans l'étude aussi, qu'effectivement, avoir un petit réchauffement, c'est pas un gros problème, à condition de ne pas atteindre des températures extrêmes. Alors, eux, ils mettaient qu'au-dessus de 35 degrés, c'était généralement considéré comme particulièrement délétère pour la nichée. Alors, je ne sais pas exactement à combien de pertes ça s'élève au niveau du nombre d'oisillons, mais visiblement, c'était dangereux. Notamment quand vous êtes dans le sud de la France, par exemple, et que vous avez une reproduction, sachant, vu les grosses chaleurs qu'on a eues ces dernières années, dans le sud de la France notamment, si en tant qu'oiseau vous commencez votre reproduction trop tard, il est possible que ce soit dangereux. Mais si vous restez au Royaume-Uni, je pense pas que ce soit trop un problème. On revient au commentaire de ton début de deuxième partie, finalement. Exactement. Tous rejoints. Bon, on espère quand même si vous êtes breton, vous avez apprécié cet épisode du Courrier de la Sterne. Mais voilà, on vous aime, les Bretons, faut le savoir. Bah, en plus, tu as été parmi eux pendant 3 ans, Sophie. Mais il y a des trucs top en Bretagne, hein, franchement. Ah, mais je n'en doute pas, je n'en doute pas. Il y a plein d'oiseaux, par exemple, en Bretagne. Par exemple, voilà. Et puis, ils ont plein d'îles qui sont terribles, qu'il faut aller visiter aussi, c'est vachement bien. Avec plein d'oiseaux, d'ailleurs. Avec plein d'oiseaux dessus, bah, évidemment. Évidemment. On espère donc que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, évidemment, même si vous êtes breton, ça nous aide énormément à faire connaître l'émission Le Courrier de la Sterne. Comme vous en avez l'habitude, eh bien, il y a l'intégralité des études et des travaux que nous avons utilisés pour l'épisode en description. Donc, si jamais vous voulez davantage d'informations, eh bien, n'hésitez pas à consulter ces différentes sources-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur YouTube, bah vous pouvez poser vos questions dans la section commentaires qui est faite pour cela. Et puis voilà, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que ça aussi, ça fait connaître le Courrier de la Sterne. Et d'ici là, eh ben on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.